Le comité de souvenirs du général Kim Jong-il est constitué le 20 à Belgrade, en Serbie, alors que le comité angolais pour le souvenir du général Kim Jong-il, le 21, au comité angolais pour l'amitié et la solidarité avec le peuple. Les comités ont décidé d'organiser significativement des cérémonies politico-culturelles à l'éloge de sa noble vie révolutionnaire et de ses exploits mortels à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.